cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قبل أن نقرأ أخ كان سأل عن الفرق بين النبي والرسول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من المتن وقال نبئ بإقرة وأرسل بالمدثر وبلده مكة ثم قرأنا شرح الإمام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والعلماء اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول فمن العلماء beaucoup de savants y citent أن la différence entre النبي et الرسول أن النبي هو الذي وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه كثير من العلماء y citent أن النبي c'est celui Allah سبحانه وتعالى lui a révélé la révélation لكن il n'a pas ordonné ce nabi à propager. Wa rasul man ursila ou man uhiya ilayhi wa umira bi tabligh hadhihi ar-risala. Wa rasul c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé et il lui a ordonné de propager. Hadha al-farq al-mashhur. Kadhalik ba'dhum ils ont pas fait de farq. Ils ont dit un nabi c'est un rasul et rasul c'est un nabi. وهذا كذلك فيه نظر فيه نظر الصحيح سكيل يا une différence القول الأقرب والله تعالى أعلم ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النبوات قال شيخ الإسلام يسيت cette مسألة Et il démontre أن الصحيح أن النبي قال هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما نبأه الله نعم donc النبي tous les savants ils sont d'accord c'est qu'il a reçu la révélation هذا c'est واضح ثم il propage son message أما le fait de dire qu'il ne le propage pas c'est pas صحيح فلهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي ياتي يوم القيامه ومعه الرهط وهي جماعه من الرجال والنبي وياتي معه الرجل والرجلان النبي يوم القيامه viendra et il sera suivi par une ou deux personnes والنبي وياتي وليس معه احد et un nabi viendra يوم القيامه personne ne l'a suivi ce hadith montre انهم ils ont fait da'wah ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فلو fait de dire ان النبي il est pas obligé de propager هذا فيه نظر donc شيخ الاسلام بعد هذا يقول فان ارسل مع ذلك الى من خالف امر الله ليبلغه رساله من الله اليه فهو رسول si ce nabi qui a reçu la révélation et qui doit propager si Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ordonne, ou il l'a envoyé vers un peuple de kuffar, et qui contredisent ad-din, هذا c'est un rasoul. Enfin, le rasoul, il est envoyé un qawm mukhalif, comme Moussa, sur Bani Israël. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, هؤلاء c'est des rasoul. Amma nabi, qala, فهو rasoul, wa amma idha kana innama ya'mal bishari'a qabla. Mathalan, les Anbiya qui sont venus après Moussa, ils sont venus et ils appliquaient At-Tawrah et ils propageaient At-Tawrah et ils ont reçu la révélation. Ha'oula, c'est des Anbiya. Les Mathalan, ils ont été envoyés au peuple de Moussa qui croyait déjà en Moussa. Enfin, vous avez compris, Al-Farq. Wa amma idha kana innama ya'mal bishari'ati qabla wa lam yursal huwa ila ahadin. Ah, il n'a pas été envoyé à un peuple qui mécroit là. Il est venu appuyer le message du Nabi qui a avant lui. Mit le Anbiya Bani Israël. Qala, Cheikh l'Islam, وَلَمْ يُرْسَلْهُ وَإِلَى أَحَدٍ يُبَلِّغُهُ عَنِ اللَّهِ رِسَالَ فَهُوَ نَبِي وَلَيْسَ بِرَسُولِ نعم. كذلك, من الأدلة que Cheikh l'Islam il a cité pour démontrer un Nabi كذلك il est mursal, il a été envoyé pour propager قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. Ça montre que Allah il a envoyé des messagers et des prophètes pour propager la da'wah. Lakin une des différences, un Nabi il vient pour propager la sharia du messager qui est avant lui, un qawm qui reconnaissent déjà. Amma ar-rasul, il vient avec une sharia à un qawm qui khalif, mukadhibun. C'est des kafara, et il les appelle al-islam. Hada, wallahu a'lam, c'est un farq, il est tayyib et il est akrab. Ceux qui disent que le Nabi, il a reçu la révélation, lakin il n'est pas obligé de propager, le rasul il doit propager. Hada fihi nadar. قال شيخ الإسلام أي أبقى برسيتي لفرسة دليل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولا عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه. C'est un rasoul, ou plutôt il est mursal, il a été envoyé par Allah, lakin on ne dit pas que c'est un rasoul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été envoyé à un peuple qui ne croit pas ou qui dément. Là, قال لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه. بل يكونس مثل بنو إسرائيل يكونس شريعة موسى الأنبياء ils ont été envoyés pour leur confirmer le message de موسى. قال بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم. C'est pour ça que العلماء ils viennent pour propager dans notre communauté, pour propager la sharia de qui? De notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Lakin c'est des ulama, on ne dit pas c'est des anbiya, les anna aslan ils ne reçoivent pas la révélation. Un nabi, kadhalik, il vient pour propager shari'at Moussa par exemple pour Bani Israël et le rasoul qui est avant lui, lakin c'est un nabi, les anna il a reçu la révélation. Et il a reçu les révélations qui doit appeler haoula. Il les appelle à quoi? À la sharia du messager qui est avant lui. Fafahimtum le farq? Hada c'est un qawl tayyib. Cheikh l'islam c'est un muhaqqiq, c'est un mujtahid. أقواله رحمة الله عليه سيدة أقوال قوية. والإمام الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان dans son تفسير قال وآية الحج أي le verset qu'on a cité وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم. Et كما قال الإمام الشنقيطي أنه سنقول اشتهر سنقول beaucoup de qui font les shuruh min ahl al-ilm, ils citent ce farq. Un nabi, il a été envoyé et il n'est pas obligé de propager. Un rasoul, il a été envoyé par Allah pour propager. Fahada alladhi ishtahar ala al-sinati ahl al-ilm min anna an-nabi huwa man uhiya ilayhi wahyun wa lam yu'mar bi tablighihi wa anna ar-rasul huwa an-nabi alladhi uhiya ilayhi wa umira bi tablighi aw bi tablighi ma uhiya ilayhi. Donc les deux c'est des anbiya. Lakin le messager, vu que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de propager, ça devient un rasoul. Qala ghayru sahih. Hada c'est pas sahih. Comme il a démontré avant l'imam Shanqiti, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on a lu son kalam. Qala li anna qawluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasoul wa la nabi yadul ala anna kullan minhuma mursal. Lian Allah azza wa jalla il démontre anna on a envoyé avant toi des rasoul et des nabi. Donc les deux ils sont envoyés, les deux en arabe on dit mursal. Baqiya la différence, qala wa annahuma ma'a dhalik baynahuma taghayyur. Et ça c'est sahih. Amma le qawl, lianna on vous a dit un autre qawl, ils disent il y a pas de différence entre le nabi et le rasoul. Ils se basent sur ce verset. Wa ma arsalna min qablika min rasoul wa la nabi. Lakin il y a une différence. Qala wastadhhara ba'dhum anna an-nabi alladhi huwa rasoul أنزل إليه كتاب والشرع مستقل مع المعجزة. نعم كذلك. Et ça ressemble au قول de Cheikh l'Islam. أن بعضهم ils ont dit أن الرسول c'est celui qui a reçu un livre مستقل. التوراة pour موسى, الإنجيل pour عيسى, القرآن pour notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, صحف إبراهيم, etc. Chaque messager là, il a reçu la révélation un livre. قال وأما النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله. أما هذا il a pas reçu un livre spécifique, là il doit appeler au message, au livre du messager qui est avant lui. Comme Banu Israël, leur prophète, ils sont venus pour revivifier, pour faire da'wah à suivre la Torah. قال كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة. Comme les prophètes qui descendaient sur Bani Israël ou qui étaient envoyés sur Bani Israël, ils les appelaient à suivre la Torah qui a été révélée à Moussa, et Moussa c'est un rasoul. Donc, al-khulasa, il y a une différence awalan entre le Nabi et le rasoul. L'avis qui dit qu'il n'y a pas de différence, il n'est pas sahih. Deuxièmement, la définition qui est connue, un Nabi, c'est celui qui reçoit la révélation, là, qui n'est pas obligé de propager. Et Rasoul, c'est celui qui reçoit la révélation, il est obligé de la propager. Hada fihi natar, c'est pas sahih. Kama bayyana Sheikh al-Islam, wa kama qala al-Imam Shanqiti, c'est ghayru sahih. Thalithan, al-haq fi hadhihi al-mas'ala, anna an-nabi, c'est celui qui reçoit la révélation. Ar-Rasoul, kadhalik, c'est celui qui reçoit la révélation. Lakin ar-Rasoul, il reçoit un kitab, une risala pour un qawm aslan. C'est des mukaddiboun, mukhalifoun. Et il les appelle à l'islam. Amma al-Nabi, il est envoyé un qawm qui reconnaissent déjà, mitle Banu Israël, ils reconnaissent le shari'at Moussa, et il les appelle à suivre le kitab que Moussa il a reçu à Torah. C'est ça, al-Sahih, wallahu ta'ala a'lam. Et les références à Nubuwat, les shaykhs al-Islam, Ibn Taymiyyah, il a cité cette mas'ala, ou à tafsir al-Imam al-Shanqiti, عند آية سورة الحج فنكمل ما كنا فيه قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين قال شيخ بن باز رحمه الله ثم بعد 10 أي après avoir passé 10 ans à Mecca عرج به والمعراج الصعود il a été élevé الإسراء c'est من مكة إلى بيت المقدس أي l'actuel Palestine Jérusalem ثم المعراج النبي صلى الله عليه وسلم il a été élevé من بيت المقدس إلى السماء donc tu as deux choses tu as الإسراء والمعراج وهنا قوله عرج به c'est المعراج il parle pas de l'إسراء أي le voyage من مكة إلى بيت المقدس لا يقول directement بيت المقدس إلى été élevé au sujet عليه الصلاة والسلام قال ثم بعد 10 عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبريل وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة ce niveau que même جبريل عليه السلام il a pas pu accompagner le Nabi صلى الله عليه وسلم jusqu'à ce niveau قال حتى سمع فيه صريف الأقلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم il a entendu les plumes qui écrivent. قال ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه. الله سبحانه وتعالى il a parlé directement au prophète صلى الله عليه وسلم. Ça montre l'importance de la chose que Allah سبحانه وتعالى va ordonner au prophète صلى الله عليه وسلم. الصلاة. D'habitude, quand Allah سبحانه وتعالى il ordonne, il révèle quelque chose au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est par l'intermédiaire de Jibril. Pour le salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé son messager jusqu'à cet endroit. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu les plumes qui écrivent et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a parlé directement. Pourquoi? Parce que cette chose qui va être révélée l'an, qui va être ordonnée, elle est azima inda Allah. As-salat. Qala wa farada alayhi salawatul khams. Directement, kallama. Faradaha khamsina salat. ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله خمسا معروف الحديث الصحيح القصة quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonné 50 ثم le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est revenu et Moussa il lui demandait ya Muhammad qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné et lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit 50 salat ils n'y arriveront pas ثم le prophète sallallahu alayhi wa sallam il retournait jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré il a ordonné الصلوات الخمس قال فرضها 50 صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها 5 فقال له سبحانه هي 5 في العدد وهي 50 في أم الكتاب أساس من فضل الله عز وجل على هذه الأمة 5 صلوات لكن la récompense c'est comme les 50 que Allah subhanahu wa ta'ala il avait ordonné au départ donc Al-adad, il a changé, et le nombre, il a changé, de 50, c'est passé à 5, lakin la récompense, elle n'a pas bougé, elle est restée à 50. Et ça, c'est min fadlillahi subhana ala hadhihi al-umma. Qala fa man hafadha ala al-salawat al-khams wa addaha kataballahu lahu ajr 50 fal-hasana bi-ashr amthaliha. Et ça, c'est pas que pour al-salat. تقدم معنا dans notre dars في الصيام شرع عمدة الأحكام أن من فضائل الصوم أن الله سبحانه وتعالى شك حسنة لا ملتبلي par 10 قال عز وجل إلا الصوم et avant ça قال وإلى 700 ضعف أي une حسنة c'est ملتبلي par 10 et ça peut aller jusqu'à 700 أي la حسنة elle peut être ملتبلي par 700 ثم قال عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به sauf le siyam, c'est pour Allah. Et ça peut dépasser, un jour ça peut être multiplié par 700 ou plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit azza wa jal. Fa fadlullah il est wasi' ala al-ibad. Qala fa nazala bidhalik alayhi salatu wassalam fa istaqarrat as-salat khams salawat fi al-yawm wa al-layla. Depuis cette période, la dixième année après la révélation, après Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. 10 ans, ils ont passé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé au tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux muslimoun as-salat. Donc, as-salat, elle a été ordonnée et ils étaient encore fi Mecca. Qabl al-hijra. Qala Cheikh Ibn Baz, fastaqarrat as-salat, 5 salawat fi al-yawmi wal-layla, al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha, wal-fajr. Ça, c'est les 5 salat obligatoires. Et il y a des autres salawat, elles sont recommandées, fortement recommandées. Kalwitr, recommandé, kadduha, kadalik qiyam al-layl. Et les salawat qui sont recommandées, ma'roufa indakum. Qala sallahuma fi Mecca 3 sinin qabla an yuhadir. Donc, c'est le premier pilier, bien sûr, après shahadatayn, qui a été rendu obligatoire en salawat. Avant siyam, avant zakat. Et avant Al-Hajj. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié cette salat de Amoud al-Din. Amoud al-Din, c'est le pilier de ce din. Kadhalik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que celui qui la délaisse kafar. Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum al-Salah faqad kafar. Al-Sha'nuha, il est a'azim. La yambaghi li al-Muslim qui la délaisse. Il y en a ceux qui délaissent la salat, vous avez remarqué, ils délaissent la plupart des choses. Ils délaissent la plupart des choses et ils ont délaissé la ibadah la plus importante après al-shahadatayn. Notre din, c'est des aqwal, c'est des amal, c'est des convictions, c'est des œuvres, c'est des paroles. Et al-salat, elle englobe tout ça. Tu dois la faire pour Allah, c'est une conviction. Et la sincérité, tu as des paroles à dire, al-fatiha et tous les adhkar. Et tu as des gestes, et des actes, al-ruku', tu t'inclines, tu te prosternes, tout ça. استسلاما وانقيادا لأمر الله عز وجل فلا دين لمن لا صلاة له فشأنها إلى عظيم فالمسلم doit prendre soin بل النبي صلى الله عليه وسلم cette salat ça le reposait أرحنا بها يا بلال قوة الإيمان c'est pour ça que celui son iman il est قوي الصلاه c'est il prend du plaisir. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أثقل الصلاة على المنافق العشاء والفجر. Les salats les plus lourdes pour le munafiq, العشاء والفجر. Ça montre que pour le munafiq, ou celui, son iman, il est ضعيف, même s'il n'atteint pas le niveau du nifaq qui le fait sortir de l'islam, plus son iman est ضعيف, plus la salat, elle sera lourde pour lui. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. المهم المسلم. Il fait des efforts fihada. Fala tufarrit fiha. Ne fais pas de concessions pour cette salat. Que ce soit pour le travail, que ce soit tes proches qui ne veulent pas que tu fasses salat, ou autre. Tu n'as pas le droit de la délaisser. La ta'a, les makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Il y a un travail où tu ne peux pas faire ta salat. À l'heure. Ou, akhtar min hada, un patron, ou un collègue qui t'empêche de faire salat. Ce travail, il n'y aura pas de baraka. Et fadlullah, il est wasi'. Fadlullah, il est wasi' alayka ayyuha al-abd. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Inna allaha huwa al-razzaq, dhul quwwati al-matin. Wa qala azza wa jal, wa fi s-sama'i rizqukum, wa ma tu'adun. فاتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ne crois pas que c'est ce abd qui donne, ou ne crois pas que c'est une cause de travailler et délaisser salat. Ba'dhum ils disent mais je travaille, je peux rien faire. Tu peux faire, tu délaisses ce travail et tu cherches un autre. Et si tu le délaisses pour Allah, i'lam anna man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran minhu. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Wa'lam kadhalika anna si tu fais des concessions et tu veux satisfaire ce makhluq, khassatan si c'est un kafir mujrim qui te combat, il combat ton din et il veut pas que tu fasses salat, quoi que tu fasses, même si tu fais des concessions, tu fais plus salat à l'heure, aw ba'dhum Allah musta'an, il se cache dans des endroits, quoi que tu fasses, le jour où il n'est plus d'accord avec toi, Robbama t'est renvoyé. Malgré les concessions que tu as faites, Thomas, un jour ou l'autre, Robbama une épreuve, tu es quand même renvoyé de ce travail. Toutes les concessions que tu as faites, à la fin, Robbama t'as plus ce travail. Même s'il te respecte en apparence, et même s'il te renvoie pas, le fait de délaisser la salat, la yajouz, khasatan, pour satisfaire un makhlouk. Et ces salats, c'est un temps déterminé, très court. Enfin, si ce patron c'est un musulman, il doit faciliter à ses frères. Et lui-même, il doit faire salat. Allah musta'an. Hadihi dunya. Si cette dunya, tu ne profites pas pour, au minimum, tu n'arrives pas à faire ta salat, enfin, pourquoi cette dunya? Cette dunya, comme on a déjà expliqué, c'est une mazra'a. C'est comme un champ que tu cultives pour profiter fil akhir. Enfin, si même, as-salawat, la dunya elle prend dessus sur ces 5 salawat, fallah al-musta'an. فهذا العبد الآن c'est plus un abd qui fait des efforts pour din, c'est un abd de dunya. Normalement notre dunya elle est fondée, notre temps journalier, la journée normalement il est fondé sur ces 5 salawat normalement. لكن الآن on vit dans une époque خاصة في بلاد الكفر أنهم يدنوا كل importance au din. ففي هذا الحال الإنسان il fait des efforts. Et parmi les plus grands efforts qu'il doit faire, c'est Al-Hijra. Al-Hijra, Cheikh Al-Islam, il a, après avoir cité tout ça, Al-Din, il va te montrer l'importance de la Hijra. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'an, cette période, ce moment, on a atteint, nous, annahu, il a reçu la révélation, Tumma, 10 ans, il a appelé Tawhid, Tumma, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé de faire salat, vu que, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence, al-Sahaba, il commence à faire apparaître leur din. Al-Din, il se propage, ils vont arriver à un moment, al-Kuffar, ils vont les combattre. Et ils ne vont plus les laisser appliquer leur religion. Al-Din. Fafiyad al-Hal, Allah subhanahu wa ta'ala, amarahum bil-Hijra. Fa'anta ayyuha al-Muslim, t'arrives plus à faire tes salats. T'arrives plus à t'habiller comme un musulman. T'es combattu, t'es accusé. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a éprouvé avec ces choses et il t'a donné la solution. Al-Hijra. C'est ça l'importance de connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a expliqué beaucoup. C'est appliquer mitla hada. Alhamdulillah, il y a toujours une solution. Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Lakin, pour appliquer la solution, il faut la connaître. Et si tu la connais, il faut faire des efforts. Ad-du'a, wa tawakkul ala Allah, faire des efforts fil ilm, faire des efforts fil aqidah, khassatan, et fil tawhid. Il y en a celui qui connaît sa aqidah et connaît le tawhid, il aura des forces. Al-Hijra, ce n'est pas une chose qui est liée avec l'argent. Al-Hijra, c'est une ibadah. Al-Hijra, c'est lié avec le tawhid. C'est une ibadah, tu dois la faire pour Allah. C'est lié avec le tawakkul. Tu t'es habitué à un environnement, à un pays, et tu dois changer. Ce changement, c'est clair que ce n'est pas simple pour tout le monde. Il te faut le tawakkul. Ba'dhum, ils ont des milliers d'euros. Il leur manque le tawakkul, ils n'arrivent pas à partir. لأن, tu peux avoir 10 000, 20 000, 50 000 euros. Si tu n'as pas de tawakkul, le shaitan il te fait peur, tu penseras que ça ne te suffira pas. Tu trouves une autre catégorie, Rubbama il a 100, 200, 1000 euros. Wallah, alhamd, il fait le hijra très simplement. Limada? لأن il a la provision la plus importante. Wa tazawwadu. Fa inna khayra zadi taqwa, qala azza wa jal. Tazawwadu azzad, c'est les provisions. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne. Fil hajj wa fi ghayr al hajj, de prendre nos provisions, et la provision, la chose la plus importante, at-taqwa. C'est at-taqwa, tu patienteras. Tu manges pas un jour, deux jours, tu patienteras. Amma celui qui a pas de taqwa, ou qui a un dha'f, at-taqwa et tawakkul, ça fait partie de taqwa. Hada rubbama, il a tout, lakin, al-shaytan, il lui fait peur. Shaitan, il lui fait peur bil faqr. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de musulmans par rapport à la hijra. Wallahi, alhamdulillah, de quoi vivre. Il a de quoi manger. Ba'dahum matalan, s'il se déplace dans le bilad muslim, il a assez d'argent, on va dire, pour vivre un an, deux ans, trois ans. Même s'il travaille pas, même s'il fait aucun effort. Lakin, vu qu'il pense, il voit loin et il a peur, même cette durée, il peut plus la faire. Wa illa, s'il se déplace, peut-être que cette année, cette deuxième année, cette troisième année, ou qu'il peut vivre, peut-être qu'il va mourir avant. Wallahi alhamd, il aura fait sa hijra et il est mort à la ta'atillah. لكن tout ça c'est lié avec التوكل. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى. Donc الهجرة أولا الهجرة c'est de délaisser بلاد الشرك بلاد الكفر pour un bilad muslim. Donc c'est un déplacement, al-intiqal. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Il a délaissé Mecca, pourtant c'était son pays d'origine. C'est une terre qu'il aimait. Lakin, Mecca, à cette époque, c'était pas un bilad muslim. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé Mecca pour al-Madina. Al-Madina, c'est devenu un pays muslim. Al-Ansar, ils ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils sont rentrés fi d-din et ce bled al-Tayyib al-Madina c'est devenu le premier bled musulman à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait al-hijra. Hatta ceux qui avaient fait la première hijra min Mecca ila al-Habasha, il y a eu une hijra avant celle-là. Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas fait. Certains sahaba ils l'ont fait. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné. Ils ont délaissé Mecca bled kufr à l'époque. Et Kuffar Quraysh, il leur faisait du mal pour un autre bilad de Kuffar, lakin An-Najashi, rahimahullah, aslama, après c'est devenu un musulman. Ce bilad, c'était un bilad de Kuffar. Il y avait des Nasara, des chrétiens, lakin il ne faisait pas de mal aux mu'minoun, aux sahaba. Ça te montre Anna, hadihi shubha al-an, que ba'dan nas, ils ont Anna, tu peux délaisser un bilad de Kuffar pour un bilad de Kuffar qui est moins grave. Ça c'est sahih, c'est correct, s'il n'y a pas de bilad muslim. Les sahaba, quand il y a eu un bilad muslim, Al-Madina, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'hijra. Al-Ansar, ils l'ont accueilli, c'est devenu un pays muslim. Al-Sahaba qui étaient fil Habasha, eux-mêmes, ils ont fait l'hijra. Ils ont rejoint Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yajouz, on n'a pas le droit de délaisser tous ces pays musulmans. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, et après l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Moyen-Orient, jusqu'à les pays musulmans en Asie, l'Indonésie, la Malaisie, etc. Et beaucoup de pays, wallah alhamd, en Afrique. Tous ces pays, on les délaisse. Et on quitte un bilal kufr ou qu'on ne peut pas appliquer notre din pour un autre bilal kufr. Awwalan, à notre époque, tous les bilal kufr, ils combattent din. Lakin, il y en a, ils le combattent plus. Là, tu ressens leur combat plus dans certains pays, ça c'est clair. Lakin, aller dans un autre, ça ne veut pas dire que tu as appliqué le hijra. Le hijra, comme a dit ici, l'intiqal min bilad al-shirk, il n'a pas dit chez l'islam, il a bilad al-shirk moins grave. Là, il a dit, il a bilad al-islam. À son époque, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de bilad muslim. Kadhalik, une précision, ça ne veut pas dire que le bilad muslim, il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas de fitan. Là, ça peut être un bilad muslim, il y a du da'f, il y a des erreurs, il y a des ma'asi. Lakin, anta, t'es ordonné, Allah t'a ordonné de délaisser le shirk et la bilad l'islam. Et dans le bilad l'islam, même s'il y a des choses, et il y a des choses, t'es pas responsable. Anta, t'es responsable de quitter bilad shirk. Toi, si t'es dans le bilad l'islam, il y a des choses, si tu peux faire nasiha, tu fais nasiha. Et, alhamdulillah, dans le bilad muslim, même s'il y a du shirk, il y a du khayr. Tu veux faire salat, tu fais salat. Ta femme, elle veut porter le hijab, elle porte le hijab. Wallah, alhamdulillah, t'entends les dames. Le Eid, tu le ressens. Al-mu'minoun, dans bilad muslimin, alhamdulillah, ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, tu sens ni'mat al-islam. Même s'il y a des faiblesses, on vit dans une époque où il y a beaucoup de faiblesses. Et nous-mêmes, on a des faiblesses. L'ana, la faiblesse d'un pays, c'est la faiblesse de moi, de toi, d'un troisième, d'un quatrième. Thumma, ça fait des faiblesses. Fahada, lakin, at-ta'awun. Délaisser un bilad kufr et ne pas aller dans un bilad muslim pour un autre bilad kufr, que ça soit l'Angleterre ou autre, c'est des kafara. Mujrimoun, yaharib ad-din. et il harbe des enfants. Et les systèmes, le système scolaire, c'est le même. C'est pour ça que dans ce pays, tu trouves l'école, elle est obligatoire. Et à l'école, ils vont combattre ton enfant. Ils ne vont pas le combattre avec des armes à feu, avec là, ils vont le combattre son fikr, son din. Naam, fahada, c'est muhim. Kadhalik dans la rue. Kadhalik ton enfant, que ce soit en Angleterre ou autre, il peut dans la rue faire connaissance avec des koufars. Ça devient ses amis. Thumma yuftan. Il n'est pas à l'abri. Anta kadhalik, tu n'es pas à l'abri. Léna bilal kouf, c'est bilal kouf. Même s'il y a une école, même s'il y a des masajid. Et à tout moment, ils font des lois. Comme ta'lamoul, hein. Une chose qui se passe, ils font une loi, tomba, ils te combattent, akhil karim. Et kadhalik, on n'oublie pas l'ajr al-azim. Le fait de se déplacer dans un pays musulman, il y a un ajr al-azim. Kama ja'a fi hadith Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré anna al-islam yahdimu ma qabla. Al-islam, celui qui se convertit, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Al-hajj yahdimu ma qabla, kadhalik al-hajj, celui qui fait al-hajj, yardi' ka yawma waladathu ummu. Il revient comme le jour où sa mère l'a enfanté. Allah il lui pardonne ses péchés. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité la troisième chose, al-hijratu tahdimu ma kana qablaha. Faut penser à ce ajr. Et ce ajr, tu l'as. Si tu fais l'hijra min bilad shirk, il a bilad l'islam. C'est un ajr azim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ. Celui qui fait l'hijra pour Allah, il trouvera du khayr pour son din et pour sa dunya. Enfin, tous ces hauts jours, on ne les oublie pas. Ihtisab, al-muhajir, il a un ajr azim. Al-muhajir, il a un ajr azim, jiddan. Al-muhajir, il applique sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hijra, c'est min asbab al-risq. Faut savoir hada. Al-hijra, c'est min asbab al-risq. لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah, et l'hijra, ça fait partie de la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une issue. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et il lui donnera le risque d'où il ne s'y attend pas. C'est pour ça que tu trouves que tel من المهاجرين, au départ, ils sont éprouvés. ثم الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم في الرزق في العلم dans le mariage, dans beaucoup de choses, ولله الحمد. Malgré que la niya au départ c'est pas ça, et la niya ça doit pas être ça. On fait la hijra, c'est pas comme on explique souvent, pour faire des projets ou pour se marier ou pour être plus à l'aise. Là c'est pas ça la base. Tu fais la hijra, c'est لله, pour préserver ton din et pour appliquer ton din. ثم الله سبحانه وتعالى يفتح على من شاء من عباده. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Donc celui qui est touché par cette chose, il est مستضعف, il peut plus appliquer son din. لأن الملائكة, ils sont descendus sur هؤلاء, qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes. Pourquoi ils ont été injustes envers eux-mêmes? لماذا؟ لأنهم, ils étaient faibles dans cette terre, في مكة. قال عز وجل قالوا أي les anges, الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Donc t'as un problème, c'est que tu peux pas appliquer ton din, t'es en faiblesse. La solution, الهجرة. هكذا نحن الآن on doit raisonner, fonctionner. On a des problèmes si on vit في بلاد الكفر. Beaucoup de nos frères, ils ont des problèmes الآن par rapport à leurs enfants, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs femmes, elles ne peuvent plus mettre الحجاب الشرعي, etc. La solution, ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. صحيح بلاد المسلمين الآن من المغرب du Maroc jusqu'à l'Indonésie, ولله الحمد. Avec des pays avec beaucoup de cultures différentes, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, des pays arabes, des pays du Maghreb, des pays avec des climats différents, des pays chauds, des pays moins chauds, etc. ولله الحمد الخير حاصل. الإنسان choisit le pays qui lui correspond le plus, et bien sûr si un pays où il y a du ilm, un pays où la sunna est propagée, fa afdal. Kadhalik, certains frères, walillahi alhamd, ils ont des origines. C'est des Marocains d'origine, des Algériens d'origine, etc. Fa haoula, c'est facilité. Al khayr, il est hasil. Celui qui veut le khayr, walillahi alhamd, al khayr, il est mawjoud. Qala, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Bien sûr, celui qui peut pas, مثل الولدان des enfants ou des femmes à la personne elle n'a pas les moyens de partir elle est faible فهذه إن شاء الله elle est معذورة حتى يفتح الله عليها. Et le conseil pour les femmes, les sœurs qui ne sont pas mariées, qui ne peuvent pas se déplacer, elles se marient, inshallah, avec un mari qui veut faire la hijra. Et ça devient un sabab de khayr pour qu'elle quitte Bilad al-Kufr. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الإمام Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, fi tafsir hadith al-aya, naqal al-ijma' l'unanimité des savants que l'hijra est wajiba pour celui qui ne peut pas appliquer son din. Amma celui qui peut appliquer son din, c'est autre chose. Lakin, al-waqi'a qu'on vit, nous, surtout en France, il n'y a aucun doute, personne ne peut dire l'an qu'on peut appliquer notre din. Al-din al-sahih. Commence par l'adhan. Thumma. Ma yata'alaq bil-eid. Thumma. Al-hijab pour la femme. Thumma. Tout ce qui est lié avec les enfants, c'est obligatoire à l'école. L'école, ils combattent le din, etc. Ma adhan. Quelqu'un de sensé. Sans parler de quelqu'un qui a du ilm. Amma ceux qui ont du ilm, fawadih. Amma quelqu'un de sensé, il va dire que tu peux appliquer ton din hunak. Donc le hukm, il est clair. Annahu c'est wajib bi ijma' ahli l'ilm. Et celui qui khalif ce ijma', façon qawl, il n'est pas pris en compte. Qala, wa qawluhu ta'ala, ya ibadiy alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. La terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Donc si dans un endroit tu ne peux pas appliquer, tu te déplaces. Ba'duhum, vous avez remarqué que pour Dunya, Obama il est dans un travail et il ne peut pas appliquer certaines choses de Dunya. Imma il n'a pas assez de vacances, imma le salaire ne lui convient pas, imma muhim une chose, ba'duhum Obama la pose, elle ne lui convient pas, il change. Tout ça pour avoir du confort ou une chose par rapport à Dunya. Notre din, on doit faire des sacrifices plus. Une chose qui le dérange dans un bilad, imma une loi, rien à voir avec din, imma une loi, imma le climat, imma quelque chose. Obama il fait un voyage kabir et il délaisse beaucoup de choses pour changer de pays et avoir ce qu'il désire. Nous, par rapport au din, c'est a'zam et c'est aula. Et la récompense, elle est a'zim. Amma ha'oula, ils gagneront pourquoi ils s'est déplacé. Un changement de climat ou un salaire ou quelque chose. Amma nous, celui qui fait le hijra, fi sabilillahi azza wa jal, fa l'ajr il est a'zim. Kama fi l'aya, faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Celui qui fait le hijra, surtout s'il meurt, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le récompensera, une récompense عظيمة. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم. Donc ce verset il est descendu sur les musulmans qui sont restés à Mecca et qui n'ont pas fait الهجرة. ناداهم الله باسم الإيمان. نعم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Donc ça, ça montre الحكم أن الهجرة الواجبة. Et on a rapporté كلام ابن كثير son تفسير الإجماع pour celui qui ne peut pas appliquer son دين. Et ce hukm, cette hijra, jusqu'à que Ash-Shams tatla min maghribiha, et jusqu'à avant la fin des temps. Donc c'est valable de nos jours et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il voudra. Amma qawla Nabi sallallahu alayhi wa sallam la hijra ba'd al-fath, la hijra ba'd al-fath, il n'y a plus de hijra après le fath, après fath Mecca et après la conquête de Mecca, quand Mecca c'est devenu une terre de l'islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. Il y a plus de hijra. هذا العلماء ils ont démontré que la hijra est min Mecca, parce que Mecca c'est devenu une terre d'islam. Donc tu fais plus le hijra, les hijras en quittant Mecca. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a démontré que Mecca c'est devenu une terre d'islam. فالآن s'il y a des musulmans à Mecca, ils font pas le hijra. فهذا أما comprendre ce hadith لا هجرة بعد الفتح, il y a plus de hijra totalement, فهذا c'est un فهم بعيد. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه. فهكذا الكفار. الكفار ils sont jamais satisfaits du مسلم. خاصة المسلم qui applique son دين. Le مسلم qui est ferme. Le مسلم qui fait pas de concession dans son دين. Pour satisfaire un kafir ou un autre. فهذا الكفار ils essaieront de lui faire du mal comme ils ont essayé, ben ils ont fait du mal à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. قال فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار وقد بايعوه في موسم الحج. نعم الأنصار ils sont venus موسم الحج et ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont fait le bay'a et ils lui ont proposé أنهم يبون رتورني المدينة ويبون لكييغ سيبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم après une période الله سبحانه وتعالى lui a ordonné de rejoindre الأنصار إلى المدينة. وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه ونصروه رضي الله عنهم. C'est pour ça que الله سبحانه وتعالى et الرسول ils les ont appelés الأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ça vient de Nusra. Et ils ont secouru un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ou radiyallahu anhum wa ardahum. Falamma tammat al-bay'a. Wa adhina Allahu lahu bil hijra. Hajara ilayhim. Wa kana ba'd al-sahaba qad hajara qabla dhalik. Ila al-habasha. Naam. On l'a cité hada. Wa makathu inda al-najashi mutta. Thumma hajara baqiyatuhum ila al-madina. Ça, ça nous montre. On a scié un pays d'islam. On n'a pas le droit de délaisser un pays d'islam. Et faire al-hijra, si on appelle ça une hijra, dans un bilad kufr qui est moins grave. فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. Et il y a eu un très grand bien par rapport à ça. Ils se sont rassemblés dans un bilad et Allah subhanahu wa ta'ala nasarahum. ثم il y a eu غزوات بدر, Allah les a secourus. ثم غزوات أحد, ثم une période فتحوا مكة, ثم انتشر هذا الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال شيخ الإسلام فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام من الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المدينة صارت دار الإسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين. Et ça, ça te montre, أخي الكريم, que ces عبادات كالصيام والحج والزكاة et الجهاد etc. Toutes ces عبادات tu pourras les faire comme il se doit fi bilad al-muslimin. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala après le hijra, il a légiféré beaucoup de ibadat. Lianna fi Mecca ils étaient mustad'afin. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné de faire le salat à partir de la 10e année. Ils ont fait salat 3 ans à Mecca. Et ma'a hadha al-kuffar ils leur ont fait du mal. Ça te montre anna ton din tu peux l'appliquer dans un bilad muslim. C'est pour ça que l'an al-zanadiqa wa al-umala والمتشبهين بالكفار ils essayent de changer l'islam pour que tu restes في بلاد الكفر. لأن ils savent très bien que l'islam authentique tu peux pas l'appliquer في بلاد الكفر أبدا. في بلاد المسلم tu dois t'accrocher والله الحمد الخير حاصل لكن tu dois faire des efforts. أما في بلاد الكفر vu que ils ont su que c'est pas adaptable et c'est pas adaptable échange l'islam de France. Hatta tu restes, lakin il faut que tu changes ton din. Tu comprends que si tu ne veux pas changer ton din, tu restes à la din al-haqiqi, tu ne peux pas l'appliquer là-bas. Et c'est ça le waqi'. C'est ça le waqi'. Surtout à cette époque. قال شيخ عبد العزيز فلهذا أمروا بهذه الأمور لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا في بلاد الكفر c'est très difficile لأن t'es tout seul des choses pour toi c'est évident هم c'est des كفر ils accepteront jamais هذا ولله الحمد في بلاد المسلمين il y a un grand besoin في هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة وكان أصل الزكاة مشروعة في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده أي في الزكاة فأصل الزكاة الله سبحانه وتعالى إلى بديجة غيبلي في مكة قال ولكن أنصابها النصاب ومصارفها Aïe, les règles par rapport à Zakat. Toutes les règles par rapport à Zakat. Aïe, à partir de quand tu sors, à qui tu donnes. Tout ça, قال, وَتَفَاصِلْ أَحْكَامِهَا كُلُّ هَذَا صَارَ فِي الْمَدِينَةِ La base aïe, de cette ibada à Zakat, c'était fait Mecca. لكن التفصيل comment la sortir, à qui la donner, tout ça, c'était fait à Medina. وَهَكَذَا صِيَامْ رَمَضَانْ شُرِعَ فِي السَّنَ الثَّانِيَ مِنَ الْهِجْرَةِ تَقَدَّمْ مَعَنَا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوني Il a fait le siyam 9 fois. قال, أي, la deuxième année jusqu'à la 11e. وَهَكَدَ الْحَجِ شُرِعَ فِي السَّنَةَ التَّاسِعَ أَوْ الْعَاشِرَةَ أما الحج, c'est avant la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait le حج une fois. حَجَّةُ الْوَدَاعِ قال, وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا في سورة آل عمران وهي مدنية. نعم, أما الحج, c'est واضح qu'il a été légiféré, ordonné après الهجرة. وَهَكَدَ الْجِهَادِ أمر به بالمدينة وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده وديبار أنه النبي صلى الله عليه وسلم c'était jihad de défense celui qui l'attaquait il faisait le jihad ويكف عن من كف عنه ثم أمر بأن يبدأ بالقتال وأن يجاهد الكفار وإن لم يبدأوا فيدعوهم إلى الله يرشدهم إليه فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق Tous ces ahkam, ils sont détaillés et tout ça bien sûr c'est les attentats, les tueries tout ça au nom du jihad, ça c'est c'est avec al-hukam, ulat al-umur et ulat al-umur, ça englobe al-hukam et al-ulama tout ça, il y a des masalih al-qudra, est-ce qu'on est capable etc. أما ce bab, c'est un bab عظيم, bab al-jihad, lakin les interventions personnelles أو واحد veut faire tout seul, فهذا c'est un bab خطير جدا. قال فإنه يقبل منهم الجزية وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب إما إسلام وإما جزية. نعم, بعضهم يدز لا جزية c'est que pour أهل الكتاب, بعضهم يدز كذلك المجوس, وأما بقية الكفار إما إسلام وإما السيف مع القدرة. تسع C'est des ahkam qu'on ne détaillera pas هنا, لأن ça demande du temps. وإلا الفقهاء والأئمة ils détaillent هذا dans les kutub de fiqh. Tout ce qui est lié avec الجزية et الجهاد, etc. وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشيخ عبد العزيز وبعدما أكمل الله به الدين توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة 10 ans après الهجرة أي لمور la 11e année عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'est pas le dernier verset qui est descendu, lakin c'est parmi les derniers versets qui sont descendus. Et après, quelques temps après, il y a encore quelques versets qui sont descendus, et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala jalla wa ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Et le prochain dars, incha'Allah ta'ala, نقرأ ما يتعلق بموت النبي عليه الصلاة والسلام et tout ce qu'il a cité من البعث إلى آخر الرسالة. إن شاء الله le prochain درس c'est le dernier. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.